l'auteur de ces drames, de ce drame, Linda Larbaoui. Écoutez, l'opération Qui tue qui a commencé d'abord avec l'Algérie et puis après elle a atteint le Mali. J'ai fait plusieurs interventions là-dessus. Et ben, le chef de cette manigance, c'est François Djez. François Djez est le fils d'un colon né en Algérie et lui-même est né au Maroc. Donc il a mené cette opération depuis les années 90 par rapport à l'Algérie. Il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits et on a accusé l'armée algérienne de tuer sa population. Beaucoup plus tard, on retrouve le même scénario avec nos frères maliens. D'ailleurs, Afrique Média a couvert plusieurs fois ce sujet et on a essayé d'accuser l'armée malienne de tuer sa population. Intervenant, je disais à nos frères maliens, il ne faut pas tomber dans ce piège parce que l'armée malienne déjà est multiethnique. Donc je ne vois pas l'intérêt. Et il y a déjà un précédent avec l'armée algérienne. Pendant des années, on y a cru. Et un jour, et en 2006, on a sorti l'Algérie des sanctions parce qu'on n'a jamais pu prouver l'implication de l'armée algérienne. L'année dernière encore, l'armée malienne était pointée du doigt. Comme on a pointé du doigt également la Russie, si on se souvient, par rapport au massacre de Boucha, tout ça. Donc, c'est une opération qui n'est pas nouvelle. Je pense très bien que les pays otaniens patauge, ils savent pas comment s'en sortir ni quoi inventer, donc ils restent dans la même sauce, ils restent dans les mêmes plats et ils essayent par ces accusations de monter la population contre son armée. Donc comme je l'ai dit à tous nos frères maliens, il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est l'armée qui est confrontée d'abord au terrorisme, c'est l'armée qui sort pour faire face aux groupes terroristes, donc c'est l'armée qui meurt d'abord. Et cette armée-là est multiethnique et cette armée a pris la décision de sécuriser le territoire. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette armée est en train de gêner les pays otaniens. C'est ça la réalité. Cette armée est en train de faire face à un colon qui est là, à un colon qui s'appelle les États-Unis et leurs alliés, parce que la France a reculé, réellement la France a reculé. Aujourd'hui, on voit bien que c'est les États-Unis qui prennent le devant. Il y a eu plusieurs visites, il y a eu plusieurs interventions américaines pour essayer de rétablir les relations avec les pays africains. Il y a eu plusieurs tentatives pour essayer d'amadouer les peuples africains qui soutiennent la Russie, pas forcément Poutine, mais la Russie, parce que c'est la Russie qui est en train, qui a décidé de mener une guerre pour rétablir l'injustice qu'il y a dans ce monde, et ce monde qui était unipolaire et qui est en train de se transformer en monde multipolaire. Donc, qu'est-ce qui peut donner une puissance à la Russie? C'est des alliés avec des pays africains, comme l'a fait le Mali, comme est en train de le faire le Burkina. Donc ça met vraiment l'armée du Burkina Faso, ça les met devant les États-Unis et les Français, les Allemands aussi qui sont très actifs, sans parler des Anglais avec les pays du Commonwealth qui sont très puissants encore en Afrique. Donc ça, le Burkina va passer exactement ce qu'a passé le Mali auparavant et l'Algérie encore avant. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Le peuple burkinabé, il faut qu'il fasse vraiment confiance en son armée et le chef du gouvernement actuel, que ça soit un gouvernement de transition ou pas, qui est en train de prendre des risques pour rétablir la paix au Burkina Faso. C'est cette armée. Donc c'est cette armée qu'il faut soutenir et c'est pour ça que je les félicite de cette initiative de sortir et de soutenir leur armée et de ne pas tomber dans le piège de l'opération Pituki. On peut aller sur Internet, on fait des recherches là-dessus, on va voir qu'il y a eu beaucoup, il y a eu des livres qui ont été écrits contre l'armée algérienne. Et l'année dernière, quand le premier livre est sorti contre le Mali, j'ai averti par exemple notre sœur Amina Fofana, j'ai averti Afrique Média, j'ai envoyé ce livre-là, j'ai envoyé le le titre pour qu'on puisse voir quand même jusqu'à quel point ils sont capables de mener la zizanie et d'essayer de provoquer, je dirais même une guerre civile, ce qui a été fait en Algérie. Parce que nous sommes tombés dans le piège, c'était une première à l'époque, le peuple algérien est tombé dans le piège de croire que son armée tuait. Donc c'est ça qui a mené le pays à un désastre qui a duré plus de 10 ans. Et il a fallu qu'on réalise après qu'on s'était trompé et que les frères terroristes là de Hassan Benna, créés par la CIA et créés par la France, c'est eux qui tuaient les gens. Donc le Mali, heureusement, n'est pas tombé dans ce piège. Et puis aujourd'hui, le Burkina, je vois que nos frères burkinabés ont pris conscience des enjeux, et ils ont pris conscience vraiment de ce que font ces médias mensonges et ce que font les États-Unis avec leurs alliés. Parole à Salif qui cette fois est déjà bien installé, activiste politique du côté du Burkina Faso. Bonsoir à vous Salif. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé la population à envahir la ville de Ouagadougou pour manifester et apporter leur soutien au chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré? Ok, merci bien, merci à l'Afrique Média, merci à cette puissante chaîne de télévision qui défie la gravité du mainstream aujourd'hui, qui est en train de déjouer les pronostics de l'Occident, qui avait autant misé pour vilipender et puis afin de ridiculiser le peuple africain. Donc je dis merci encore une fois de plus à l'Afrique Média pour m'avoir donné la parole. Donc, il faudra apporter quelques éclaircissements, parce que ce n'est pas la ville de Ouagadougou seulement qui a manifesté, et c'est tout le Burkina Faso, toutes les 13 provinces, voilà, qui sont sorties. Autant, vous voyez, la foule qui a répondu massivement présente du côté de Ouagadougou, quand vous venez du côté de Bogo-Dioulasso, d'où je suis, et je fais partie des organisateurs aussi. Voilà, il y a eu autant du monde qui est sorti répondre favorablement à l'appel des structures de la société civile, les OSC. Voilà, donc nous avons été parmi les maillons forts de cette organisation qui appelle la population à venir soutenir la transition du leader capitaine Ibrahim Traoré. Donc, c'est cette précision que j'aimerais ajouter. Donc, puisque la ville de Kaya, la ville de Ouagadougou, la ville de Waïguia, Fada, Tankodogo, Houndé, Boromo, Bobo, hier, il y a d'autres qui sont sortis en différé. Ça, c'est la ville de Niangologo. Et aujourd'hui, c'est la ville qui est assaillie, par les assaillants et les terroristes, notamment la ville de et Djibo qui est massivement sorti, c'est historique, c'est puisqu'il faut très bien le noter, la ville de Djibo n'a jamais fait autant de trucs. Aujourd'hui, c'est eux qui sont dans la souffrance, mais ils sont sortis quand même pour signifier leur soutien au président de la transition qui est le président capitaine Ibrahim Traoré. Donc, c'est cette zone-là qui souffre le plus, c'est la zone où les terroristes et leur parrain française souhaiteraient faire de leur capitale. Je parle de la ville de Djibo. Donc, dans leur chronogramme, quand ils parlent de Liptako, parce que le sujet de Liptako est venu, puisque ils ont échoué avec le mot Azawad, ils reviennent avec le Liptako gourmand, qui veut dire que, en langue Songkwe, qui veut dire que, voilà, un coin qu'on ne peut pas terrasser. Voilà, donc... il faut reconnaître que la jeunesse aujourd'hui a massivement adhéré à l'idée de soutenir le président Ibrahim Traoré, pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il a un joli béret rouge, mais c'est parce qu'il dit la vérité au public burkinabé. Dans son discours, c'est la vérité, rien que la vérité qui ressort. Et ce qui caractérise... le comportement du Burkinabé ressort aussi de sa bouche, mais il faut reconnaître que ça ne se limite pas qu'au discours. Il est en train d'imprimer sur le terrain ce qu'il est en train de dire dans ce discours. Donc, on sent de la franchise, on se sent réellement en ce président. en son idéologie. Et pour ce qui est la réalité du terrain, pour ce qui est la réalité du terrain, et ça aussi, c'est, ça se vit. Ça ne se raconte pas seulement parce que beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient des PDI, des déplacés internes, sont en train de regagner ses îles et la terre va être cultivée cette année. Donc, nous voyons que le président mérite réellement le soutien du peuple, mérite réellement de continuer avec la transition qui reflète réellement notre pensée, notre idéologie pour que le Burkina devienne totalement souverain sur le côté financier, sur tous les points donnés. Parce que il faut une réforme approfondie du moins, il faut une réforme profonde de structure de la corporation de l'État dans toute sa splendeur. Il faut une réforme réelle jusqu'à dans la constitution. Et cette réforme, ça doit être structurelle, ça doit être conjoncturelle aussi, parce que la corruption que nous avons connu depuis dans les années, après juste la mort de Thomas Sankara, c'est sans pareil, c'est inégalable. La jeunesse s'est donnée beaucoup à la facilité et ce qui a occasionné une exode rural, parce que beaucoup de gens ont quitté les villages, ce qui a occasionné le chômage chez la couche des jeunes. Donc il y a un grand chômage chez nous, ce qu'il faut reconnaître. Donc nous pensons que si nous continuons de soutenir le président Ibrahim Traoré, surtout qu'il a évoqué le sujet de l'or, le Burkina Faso est un grand pays producteur de l'or, qui produit de l'or en quantité suffisante pour ne pas en posséder de réserve. Donc le président en a souligné dans son interview avec les journalistes la dernière fois, parce qu'un État qui pense, ou un président qui pense que son pays doit posséder une réserve d'or, ça veut dire que ce président-là mérite réellement que le peuple suit. Ce président-là risque réellement sa vie, parce que tous ceux qui l'ont précédé, tous ceux qui ont prononcé de tels discours, en ont regretté par la suite, parce qu'ils ont été enterrés sous pied sous la terre. Donc, comme Thomas Sankara, qui avait autant d'aspirations pour donner la souveraineté totale au Burkina Faso, donc nous savons comment il a terminé sa vie. Donc, je continue par rapport à ce qui concerne le terrorisme et la France, qui n'est rien d'autre que le parrain, parce que la France, quand vous voyez que Ambalo qui tient des discours incendiaires, qui n'est pas digne d'un chef d'État, parce qu'il faut reconnaître que le terme génocide, c'est un terme juridique, c'est la justice qui doit prononcer ce terme juridique. Et donc, le mot génocide à Karma, c'est un mot qui a sonné fort, parce que ça ne serait pas sans précédent, parce que nous savons que l'Occident a une et unique manière de procéder. Quand vous allez regarder en Centrafrique, quand vous allez voir la guerre en Algérie, quand vous allez voir au Mali, quand vous allez en Côte d'Ivoire, pendant la guerre du Biafra, l'Occident ne change jamais sa manière diabolique de détruire, de destruction, des États. Donc nous avons vu, nous avons compris, et donc par conséquent, nous avons pris toutes mesures idoines, ce qui a motivé notre sortie. Il faut le reconnaître à zéro franc, notre sortie du 6, il faut le reconnaître que nous avons cotisé nous-mêmes, nous n'avons pas eu de soutien du gouvernement comme ce qui fit d'autre part, où il faut donner du sardine, du pain, comme l'a dit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, qui dit qu'il faut donner 2000 francs ou quoi, et pain et puis Coca-Cola, et que les gens vont sortir. Parce que le Burkinabé, dans sa majorité, a pris conscience que ce qui s'est produit en 87 peut revenir, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de similitudes entre Ibrahim Traoré et le président Thomas Sankara. Le président Thomas Sankara, les risques qu'il a pris et la chute qu'on a connue. Et on sait que dès qu'un président de l'Union, et comment on appelle, de la CEDEAO sort pour parler et pour prononcer un mot génocide, on sait qu'il y aura des répercussions dans les jours à venir, surtout que nous avons perdu des 150 soldats. Nous avons perdu à plusieurs reprises beaucoup de Burkinabés dans cette guerre. Mais on n'a pas vu autant d'indignation du côté des Américains, des Français, jusqu'à ce qu'un député français, Yves, je ne sais quoi, qui a osé tenir des propos, voilà, qui ne sont pas du tout catholiques à l'endroit de Burkina Faso. Donc ça veut dire que la France s'apprêtait à mettre en œuvre son plan diabolique depuis longtemps concocté dans les officines secrètes pour déstabiliser le Burkina Faso, vu la tournure que l'événement depuis le 1er octobre, vu la tournure que les choses ont pris, ils n'ont pas d'autre choix que de fuir le Burkina, et ils craignent qu'il n'y ait pas d'exemple du Burkina. Et il y en aura, bien sûr. Dans les jours à venir, le Niger va être libéré, la Côte d'Ivoire sera libérée, le Togo sera libéré. Beaucoup de pays vont emboîter le pas burkinabé parce que nous sommes la jeunesse africaine, nous sommes déjà en symbiose, nous nous parlons, nous tenons des rencontres, donc nous avons des groupes auxquels nous discutons ensemble, on sait déjà quelle est la pensée, l'état de la maturité de la jeunesse ouest-africaine, donc on sait qu'aujourd'hui les présidents ne reflètent plus ce qui est l'aspiration de cette jeunesse africaine. Donc ces présidents sont des valets locaux et bien établis, parce que la jeunesse ne les suit pas, ils ne suivent pas la jeunesse, donc ils font des combines pour pouvoir se maintenir au pouvoir seulement, mais d'un instant à l'autre, il faut s'attendre qu'il y aura un colonel, il pourra avoir aussi un capitaine d'autre part, qui vont siffler la fin de la récréation, tant du côté de Bazoum qui est devenu, qui a prononcé et qui s'est laissé afficher clairement qu'il est le parrain direct des rebelles Touaregs et des djihadistes. Parce que quand vous voyez la structuration, le plan du Liptako Gourmand, vous verrez que la partie qui concerne le Niger n'est pas vaste. Ce n'est qu'une petite zone seulement qui concerne le Niger. Mais quand vous venez au Burkina, c'est la moitié et la moitié du Mali qui est divisée pour constituer le Liptako Gourmand, qui est un accident géographique, il faut le reconnaître. Il faut bien le notifier qu'il y a toutes sortes de minéraux là-bas. Il y a par endroit de l'or qui est déposé en superficie où les gens, mais ces endroits-là sont gardés secrets. Et voilà. Donc, la France est au courant. La France a des documents qui répertorient tout, le sous-sol et ses minéraux. Voilà. Et sa richesse. Donc, il refuse de mettre tout cela à la disposition du public burkinabé pour qu'on ne sache pas, pour qu'on continue de croire que le Sahel, c'est le désert, le Sahel, il n'y a rien. Et pourtant, il y a une très grande nappe phréatique qui est là-bas, qui peut reverdir le Sahel encore de nouveau. Mais on nous cache tout cela, mais sachant bien que le colonel Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré, ce sont des personnes qui vont fouiller et qui seront capables d'amener des nouvelles technologies pour connaître et pouvoir répertorier toute cette richesse. Et si on met ça à la disposition du public, on saura que le Burkina Faso va rivaliser le Dubaï et Britney ou autres pays. Donc la France travaille à ce que nous soyons continuellement dans la misère pour qu'ils nous viennent en aide, et celui qui donne de l'aide impose sa vision. Celui qui donne de l'aide va obligatoirement vous imposer le droit de la minorité qui est contraire à la démocratie. C'est qui, c'est quoi? LGBT, voilà les PD. Voilà, donc ils vont imposer ce droit de cette petite minorité. Et pourtant, la démocratie parle du droit de la majorité. Et maintenant, ils militent pour ça. Donc, nous n'allons pas tendre toujours la main. Aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de mener sa guerre seul, en ajoutant du prix sur certaines denrées alimentaires, telles que le boisson, la bière, cigarette ou autre. Donc, l'argent que nous dépensons dans cette guerre-là vient de notre poche. Et pourtant, ils proposaient de nous donner de passer par la facilité, aller prendre des milliards pour venir dépenser. Et à la fin de la guerre, ils vont revenir prendre ce qui est leur dû. Donc, en ce temps, ils ne vont pas négocier, ils vont encore imposer et puis après avoir leur part du gâteau. Donc, ça, cela fait qu'il y a eu des soldats en ville. Nous, nous sommes des sentinelles de la ville. Nous organisons le peuple, le public, nous conscientisons le public à rester toujours veillé pour garder cette transition. Et il y a des soldats de la brousse qui sont là, et les VDP, les FDS et les Dozo qui font front aux djihadistes, aux forces du mal qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Donc ça veut dire que la bataille qui est là actuellement, nous pouvons le dire sans se tromper, que la bataille est déjà gagnée avant qu'elle ne soit engagée depuis le 2 octobre, depuis que le président Ibrahim Traoré a dit que je suis pour vous, je suis là pour vous. Nous savons que la bataille a gagné, surtout qu'aujourd'hui, le simple VDP est plus équipé que les FDS au temps d'Amiba, de Rock et de Blaise. Le simple VDP qui est volontaire, voilà, que la France attribue le titre milice, et pourtant en Ukraine, on retrouve les mêmes personnes. Quand le pays est menacé, on fait appel à des civils qui viennent prendre des armes pour défendre le pays. Et maintenant, ces personnes, en majorité, sont aussi du côté des FDS pour mener à bien cette bataille. Donc, nous avons gagné, nous avons déjà, c'était 40% du territoire qui était occupé. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une évolution. Donc, ce qui reste aujourd'hui ne doit plus dépasser les 10%, et ça ne reste que des poches des djihadistes et des voyous. Ce qu'il faut reconnaître, il y a des bandits qui étaient là, qui volaient les bétails, et ces bandits-là continuent toujours de sévir naturellement, et c'est, tout cela est attribué aux djihadistes. Donc, il y a ce facteur qui est là aussi, qui est en train de mélanger un peu les choses. Donc, ces volets de bétail sont là toujours, qui sont un peu différents, puisqu'ils n'ont pas les mêmes revendications. Donc, c'est pour dire que c'est l'exemple typique qui a montré que la capitale de Kino, cette zone aujourd'hui est sortie à la date de 2008, à la date d'aujourd'hui, ils sont massivement sortis et de façon historique pour réaffirmer leur soutien à la transition du leader et du guide au Burkina Faso ici. Donc, pour vous dire que ça, le Burkina est on va se retourner vers Linda Larbaoui. Après avoir écouté donc Salif Nikema, Linda, que dites-vous de cela qui affirme que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas encore pris de décision forte, qu'il reste encore un peu amorphe, il n'a pas véritablement pris de décision forte et que cela s'est vu après la sortie du président de l'Union africaine concernant le désastre, ou alors le drame de Karma, selon ces personnes-là. Il est encore amorphe, il n'a véritablement pas encore pris ses marques, du moins, et Tali, ses tentacules, Linda Larbaoui. Je pense que la décision la plus forte qui était à prendre, elle a été prise. La décision la plus forte, c'était de récupérer le pouvoir à des vassaux qui étaient là et qui laissaient le pillage devant leurs yeux se faire. C'est ça la décision la plus forte. C'est que cette armée qui apparemment, on le voit depuis que le pouvoir a été récupéré par ceux qu'on appelle les putschistes, mais moi je les appelle plutôt des hommes courageux. Ils ont décidé de libérer leur pays et de prendre le pouvoir et de prendre des initiatives pour essayer de stabiliser le pays. C'est ça la décision la plus forte qui a été prise. Il faut pas négliger le travail qui a été fait. Ce n'est pas facile de se mettre contre les États-Unis et leurs alliés. On a vu Saddam Hussein, comment il a payé le prix. On a vu Kadhafi, comment il a payé le prix. On a vu Bachar el-Assad, malgré le soutien de la Russie, il est toujours au pouvoir, mais la Syrie a été détruite à 90%. 100%. Donc, la décision la plus dangereuse et la plus importante et la plus stratégique, c'était qu'ils récupèrent le pouvoir pour essayer de chasser ce colon qui est un cancer pour le pays. Pour moi, c'est ça la décision la plus importante. Donc, les décisions importantes après, c'est en fonction des alliances, en fonction des que... aussi des décisions de la CEDEAO, ils pénalisent pas, quelles sont les ouvertures, il y a des négociations forcément dans les coulisses, on le voit avec le Mali, il y a un très très fort rapprochement, c'est très important ça, il faut qu'il y ait des ouvertures pour un pays enclavé, donc... Si ce gouvernement provisoire ou pas arrive à avancer, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises, mais il y a aussi des négociations en cours, peut-être avec la Russie, peut-être avec la Chine, parce que la Chine s'y intéresse, la Russie s'y intéresse. Là où il faut que ce gouvernement fasse attention, on parle souvent du Qatar et le soutien du Qatar aux groupes terroristes. Eh ben, la dette du Burkina en partie appartient aux Émirats arabes. Tout ce qui s'est passé au Soudan, il y a une implication des Émirats arabes. La déstabilisation et puis le vote qui devait se faire et qui a échoué en Libye, il y a une implication des Émirats arabes. C'est un pays dangereux, c'est un pays qui veut s'affirmer, c'est un pays qui est à la recherche toujours de l'or. Les Émirats arabes, c'est un paradis fiscal et il est toujours à la recherche des pays producteurs de l'or et il est dans les déstabilisations. Donc si des gens du gouvernement m'écoutent, il faut qu'ils prennent ce chapitre vraiment au sérieux, je sais de quoi je parle, le temps n'est pas assez long pour que je puisse tout expliquer, les Émirats arabes, il faut qu'on fasse attention. Il y a aussi autre chose qui se développe au Burkina, peut-être notre frère Salif peut confirmer ou pas, il y a de la prostitution qui se développe et c'est des maghrébines qui sont là. Ce sont des Marocaines, donc au gouvernement aussi du Burkina de s'intéresser au Morocco Gate, ce qui se passe actuellement, c'est un dossier très lourd lié au Maroc et à la CIA et le Mossad. Il y a aussi le programme Pegasus et tiens, avant-hier, le Parlement européen dépose plainte contre le Maroc d'avoir espionné. Il y a des filles qui s'installent actuellement au Burkina. C'est des prostituées, mais elles sont liées à des réseaux d'espionnage et les réseaux marocains, il faut faire attention parce que c'est lié aussi au terrorisme. C'est ça, il faut qu'on fasse attention. Donc ça, c'est des informations que je rajoute, tout est vérifiable, tout ce que je dis est vérifiable, je n'ai pas envie de me retrouver avec un procès, on peut m'entamer un procès d'autant plus que j'habite en France, donc ce que je dis là, il y a des preuves et je suis formelle là-dessus, et la presse orientale en parle énormément, ils essayent aussi d'aider parce que les Arabes ont payé le tribut très cher, ce sont des guerres partout. On voit ce qui se passe dans les pays arabes, ils ont été détruits à moitié. L'Arabie Saoudite, si aujourd'hui elle est sortie du giron des États-Unis, elle est alliée à la Chine et à la Russie, c'est parce qu'elle a payé aussi. C'était constamment c'était du vol à main armée et de la pression. Vous nous donnez de l'argent, sinon on bombarde. Sinon, c'est des guerres par proxy. C'est ce que ont vécu les Arabes. Donc aujourd'hui, la presse arabe soutient l'Afrique, énormément l'Afrique. Ça donne des renseignements. Il y a des investigations et puis ça va dans le sens de la liberté. Pourquoi ? Qu'est-ce qui sépare le continent africain de la péninsule arabique ? Ce sont moins de 300 kilomètres, c'est la mer Rouge. Et puis un peu plus haut, il y a la mer Méditerranée. Si les pays arabes ne reprennent pas le pouvoir et ne s'affranchissent pas à 100%, eh ben on restera toujours dans les déstabilisations. On voit ce qui se passe au Soudan, ça touche tous les pays aux alentours et ça risque de déstabiliser et le Tchad et l'Égypte, le Cameroun aussi qui peut être touché. Donc une seule parcelle de l'Afrique qui reste occupée, c'est ce n'est pas bon pour nous. Et c'est pour ça que j'appelle toujours, quand un peuple se rebelle, j'appelle à le soutenir comme je l'ai fait pour le Mali, je le fais aussi aujourd'hui pour nos frères du Burkina Faso. Ils ont besoin d'un soutien. Et par contre, il y a une chose aussi, et ce que je disais à nos frères maliens, vous restez toujours derrière votre armée. Tant que vous soutenez votre armée, l'OTAN n'interviendra pas. Pourquoi ? L'OTAN est très affaiblie. Et les États-Unis ont bien remarqué que 82% de la population mondiale soutient la Russie. Donc, ils essayent de faire du soft power. Ils n'iront pas vers des bombardements, ils n'iront pas vers une guerre directe. Ils essaieront toujours de déstabiliser via les groupes terroristes, que ce soit les groupes liés à la France ou les groupes liés aux États-Unis. Parce que les plus importantes, Al-Qaïda par exemple, l'État islamique est lié aux États-Unis. C'est les États-Unis qui l'ont créé et c'est les États-Unis qui travaillent avec. C'est leur outil de travail et c'est la main qui frappe les États-Unis. Donc à nos frères du Burkina il faut qu'ils s'attendent quand même à ce qu'il y ait une répression, à ce qu'il y ait une vengeance de la part de ces néocolons, et à eux de se défendre et à eux de rester solidaires avec leur armée. Il n'y a que ça qui peut les sauver. Cette armée, encore une fois, la plus importante décision qui était à prendre, elle a été prise. Et c'est ça qui, leur a donné d'ailleurs l'occasion de sortir pour manifester et pour dire « Fini l'OTAN ». Si cet homme-là, Traoré, pour qui j'ai beaucoup de respect, n'avait pas pris l'initiative de récupérer le pouvoir pour sauver son pays, et bien nos frères burkinabés ne seraient pas sortis. Donc la plus importante, encore une fois je me répète, la plus importante décision, elle a été prise. Merci. Il faut donc saluer la sortie du peuple burkinabé qui, comme un seul homme, a décidé de se réunir dans les villes du Burkina Faso, notamment Ouagadougou, pour apporter leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et également dire non aux interventions militaires sans issue, notamment à l'intervention de la France. Déjà, on a des téléspectateurs en ligne. On va prendre tout d'abord le premier appelant avant de vous retrouver, Linda Larbaoui. Bonsoir à vous, cher monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, c'est monsieur Amadou Sani du Niger. Le soutien apporté à la population, de la population à au capitaine Traoré, est tout à fait normal. Parce que le capitaine communique. Il a communiqué surtout sur un sujet très crucial. La CEDEAO a lancé le mot génocide après une certaine mésentente, une certaine action. Moi, je crois que c'est un mot qui a été lancé à deux fins. La première fin, c'est que tout simplement, on a voulu mettre le feu au Burkina. La deuxième fin, c'est qu'on veut, après ce mot-là, que les armées étrangères reviennent au Burkina. Et là, je vais vous donner un exemple. Ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, pendant 30 ans, la France a nié sa participation au génocide du Rwanda. Pendant 30 ans, on a cherché les Africains partout, on a jugé des Africains pour dire que c'est eux. 30 ans après, la France maintenant a commencé à déclassifier les dossiers pour maintenant chercher à s'excuser de ce qui s'est passé au Rwanda. Vous voyez? Et là encore, dans 30 ans, vous allez voir, on va déclassifier les documents et on va dire, et la France va s'excuser de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais pour le moment, ce que fait le capitaine est très bon, qu'on continue l'enquête pour que vraiment la lumière soit faite sur cette affaire-là. Ça, c'est le premier point par rapport à cette histoire de génocide. Le deuxième aspect, c'est par rapport à ce qu'il a dit lors de son intervention. Il a dit que les armées sont en train, les trois armées du Mali, du Burkina et du Niger sont en train de travailler ensemble. Je crois que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Et là, je profite pour dire à l'armée nigérienne de tout faire pour ne pas laisser la France, l'armée française annihiler son travail. l'armée nigérienne connaît le terrain mieux que l'armée française, mieux que l'armée américaine. Ce dont nous avons besoin, ce dont le Niger a besoin, c'est des équipements, c'est de l'information. Et pour cela, moi je n'appelle en Algérie et au Nigeria. Nous sommes, le Niger est entre l'Algérie et le Nigeria. Que l'Algérie, le Nigeria, plus les cinq pays du G5 Sahel se réunissent, voir comment mettre en place un système d'information, même si c'est par satellite. Quel que soit le coût que cela va donner, nous serons capables de le rembourser. On va prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Afrique Média. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir, Lina Rabaoui. Bonsoir à ceux que je n'ai pas pu citer de nom. Nous disons bonsoir à tout le monde. Donc, par rapport justement au Burkina Faso, par rapport au soutien de la population, je pense que tout à fait normal. C'est ce qu'on attend d'un peuple conscient. Un peuple conscient, c'est de supporter son chef et de pouvoir se souder et avancer ensemble. Donc, par rapport, je vais juste intervenir aux côtés du Niger, excusez-moi. Il y a un homme de Niger qui vient d'être mis en exploitation par la France, Mourano, je pense, c'est justement ça. Je pense que le peuple nigérien vit dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Aucune matière première n'est censée sortir du Niger, puisqu'il y a le terrorisme. Il n'est pas question que la population soit en train de mourir et que la France va revenir au vu de l'exploitation des matières premières sur le territoire nigérien et l'exploiter jusqu'en Europe. De le faire transporter du Niger jusqu'en Europe, je pense que la population nigérienne doit empêcher cela. Il faut trouver tous les moyens qu'il faut mettre. Il faut empêcher la France à tous les prix pour empêcher la France d'exploiter aucune matière sur notre continent pour partir en France. Voilà, je pense que la jeunesse, on doit passer à une autre étape au fait. Parce qu'ils se foutent de nous. C'est-à-dire que la matière première peut partir de Niger ou qui est en guerre jusqu'en France, mais le peuple nigérien ne peut pas vivre sur place. Bonsoir. On ne peut pas l'accepter. Les autorités peuvent signer le document pour pouvoir exploiter cette matière première, mais nous allons empêcher. Il faut que le peuple africain se mette debout. On doit empêcher ces matières premières de partir sur l'Europe. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter que la population n'a pas de vie, mais la France a des moyens de faire sortir la matière première de Niger pour la France. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Ça ne peut pas être continué. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire le Niger en guerre, le Mali en guerre, le Burkina en guerre contre le terrorisme, mais la France a l'intelligence, les moyens, la capacité d'ouvrir des mines qui va lui permettre de s'enrichir toujours davantage. Et pendant ces temps, l'air iranien n'est jamais attaqué. L'air combat ne sont jamais attaqués. Les camions ne sont jamais attaqués. Le chemin de fer n'est jamais attaqué. Et la population qui n'ont ni l'uranium, qui n'ont ni le matière première de leur propre pays, aucun Nigérien ne porte l'or sous son cou. Et la France porte, les petites filles en France portent de l'or, ils portent des diamants. Et ils ne savent même pas la prévenance de toutes ces matières premières-là. On ne peut pas accepter que la France va nous créer la mort et la désolation chez nous et que la matière première va continuer à partir sur le territoire français. Il faudrait que nous trouvions le moyen d'empêcher cela. Parce que si nous allons continuer à pilonner dans les paroles sans passer les actes, la France va continuer de penser. Il faut que la France sache que quand on est nous, on a acculé et ils seront acculés. C'est la raison pour laquelle le peuple burkinabé a décidé donc de descendre dans les rues de Ouagadougou pour manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et bien sûr à dire non à la France, non également à l'OTAN et aussi à la CEDEAO. Alors nous avons un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, madame Céleste, c'est Monsieur Abou depuis l'Angleterre. Tous vos invités de marque, Linda Nagben et invité du Burkina, technicien, tous les appelants. En ce qui concerne la problématique de ce soir, le fait que la chance manifeste pour supporter, pour encourager la gouvernance d'Ibrahim. Ce pourquoi nous nous demandons de libérer le combattant Podassé, parce que justement c'est ensemble la population et les leaders dirigeants que ce combat là puisse aboutir, et pour aussi mettre l'eau dans le vin de trucs dans le moulin de ce que Linda a dit pour appuyer que le Burkina est infiltré par les prostituées marocaines, mais il y a aussi les centres d'appel. Il y a des centres d'appel, des centres de trucs comme on appelle ça même de réception. On appelle ça ce sont des centres d'appel téléphonique ou quoi. Là, il y a c'est une infiltration qui est faite où tous les renseignements passent par là. Les renseignements que vous avez passent par là parce que ce sont les gens de centres de database. Ils récupèrent des appels, c'est comme des centres techniques d'appel, mais c'est une nouvelle tactique d'infiltration. Donc, ils doivent très faire attention à tous ces nouveaux centres d'appel-là qui s'installent au Burkina. Parce que l'Occident choisit cela pour infiltrer toutes les informations aux terroristes et déstabiliser le Burkina. Donc, que le Burkina fasse très attention et que Ibrahim sache que en mettant en prison les combattants, et les cyberactivistes et tout, ou la société civile, c'est pas bien. Il faut qu'ils libèrent le combattant Podassé parce que c'est ce qui va encourager toute la population à le soutenir et c'est ensemble que ce combat-là sera gagné. Je vous remercie. C'est M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Fonda. Merci également à vous, chers intervenants, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons donc du Burkina Faso avec la population qui a décidé de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Malgré tous les problèmes que traverse le pays actuellement, le président qui, dans un entretien jeudi dernier, a donc parlé d'une coalition qui s'est mise en place contre le Burkina Faso, affirmant qu'il s'est tourné donc vers des alliés tels que la Russie et la Turquie. Alors nous avons un autre intervenant, on va le prendre. Allô, bonsoir Jean Sapelo. Bonjour Madame Céleste, vous me recevez? Merci, vraiment, merci pour le travail que vous faites. C'est difficile de vous avoir. Quand on vous a, il va falloir qu'on passe un peu de temps, mais il n'y a pas de temps. Alors, c'est une très bonne chose. D'abord, je salue Madame Labaru, Linda, et notre frère de Burkina. Et nous rassurons les téléspectateurs que Podassé est protégé et sera protégé. Malgré qu'il soit sur place, la lutte continue. Parce que l'Occident pense que c'est un nous intérêts. Oui, me recevez? Allô? Ok. Alors, donc, que l'Occident ne pense pas que c'est à nous intimidant que cette lutte va s'arrêter. Et personne ne peut arrêter cette lutte. Ceux qui se servent de traite pour continuer à trahir les peuples africains et pour se nourrir de leur trahison, le moment que nous vivons n'est plus de cela. Il va falloir qu'ils cessent ce jeu et qu'ils nous rejoignent pour qu'une fois de bon, l'Afrique soit libérée de ces cafards qui sont ces Occidentaux. Ils ne font que trahir, nous mentir, nous brouiller, nous traiter comme des animaux, c'est comme ça. Mais nous devons être très vigilants et le peuple africain, où qu'il est, doit être maintenant attaché, c'est-à-dire doit être ramené sur ce chemin pour la libération totale de l'Afrique, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, où la région du Golfe de Guinée est menacée. Nous appelons le Bénin, le Togo, le Ghana, toute la région, tout le peuple, nous sommes les mêmes peuples là-bas. Il va falloir que nous soutenions le Burkina et le Mali, que les gens ne disent pas que non, ils ne sont pas concernés. Nous sommes tous concernés. Que la France ou bien les Occidentaux, les Américains, ces Américains ne viennent pas vous mentir qu'ils vont vous aider. Ils ne vont jamais vous aider. Nous vous le disons. Comprenez bien ce que nous disons. Parce que vous savez que ce sont les traîtres. C'est comme ça qu'ils nous manipulent depuis longtemps. Et il ne faut que nous piller, nous détruire. Mais ça ne peut que leur amener de la braise, et bien du feu sur leur propre tête. C'est pourquoi vous allez voir que toutes ces nations seront punies. Donc que les Africains se réveillent et que nous marchions ensemble, que l'Union africaine soit réorganisée pour que l'Afrique reprenne sa place d'humanité. pour redonner la vie à l'humanité. Donc, c'est une très bonne chose que la population dans ce pays se regroupe pour manifester contre l'Occident, contre leurs ingérences et ne pas écouter leurs mensonges, ne plus écouter leurs mensonges. L'argent, 1 million qu'on vous donne aujourd'hui. Burkina Faso à travers sa population qui s'est mobilisée pour dire non au complot de l'impérialisme et également non à ses valets locaux, non à l'ingérence dans la transition ou encore à bas la France, à bas l'OTAN. Donc des messages qui ont été scandés par le peuple burkinabé alors que nous avons des téléspectateurs en ligne. Allô, bonsoir Madame Cissé. Madame Cissé, bonsoir. Bonsoir, Estelle Wendy, bonsoir. Et bonsoir aussi à notre sœur Linda Larbaoui, bonsoir à tous les techniciens. Merci au peuple burkinabé de démontrer sa solidarité envers leurs dirigeants. Merci. Maintenant, ce que je voulais dire au Burkina Faso, au burkinabé, c'est bien de montrer votre solidarité là-bas. Maintenant, si vous voulez que les choses changent, vous avez une forte diaspora ici en Côte d'Ivoire qui soutient celui même qui est le responsable de tout ce qui arrive de mal dans votre pays. Celui par qui on passe pour déstabiliser toute la sous-région. C'est le soutien même inconditionnel de toute la France-Afrique et tous ses frasques. C'est lui le soutien. Il aura des élections municipales et des élections régionales en Côte d'Ivoire ici. Nous demandons à cette diaspora burkinabé. Ce qu'elle est en train de nous démontrer ici au Burkina nous fait plaisir. Donc, nous demandons à la diaspora burkinabé de ne pas se mêler de ce qui va arriver. On peut vous avoir donné des cartes d'identité. On peut vous avoir donné de l'argent. Prenez l'argent, bouffez-le. On peut vous avoir donné toutes ces faveurs-là. Mais les élections en Côte d'Ivoire, ça ne regarde que les Ivoiriens. Si vous voulez que les choses changent en Côte d'Ivoire, vous devez permettre que ici aussi les choses changent. Et tant que ce monsieur-là est là, vous aurez toujours la situation au Burkina va perdurer. Parce que c'est pas ici que les armes passent, c'est pas le port d'Abidjan qui, c'est lui qui ravitaille tous ces terroristes, c'est connu, ça c'est pas une information, elle est connue. Donc c'est le message de ce soir. Vous ne pouvez pas vouloir une chose à son contraire. Vouloir la paix au Burkina Faso, alors que celui qui déstabilise la région est à côté de vous et vous le soutenez indirectement par votre diaspora. Ça ne marche pas comme ça. Et nous profitons aussi pour l'occasion pour demander aussi au peuple malien qui vit en Côte d'Ivoire d'écouter ce message. Les élections qui arrivent ne vous regardent guère. Les élections, ça ne regarde que les Ivoiriens. C'est vrai que vous avez la carte d'identité. Mais il s'agit de la survie, de votre survie, du lendemain, du devenir des peuples maliens et burkinabés. Parce que c'est ce peuple-là qu'on instrumentalise pour influencer les élections en Côte d'Ivoire, pour changer le résultat des élections en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi mon appel ce soir. C'est vrai, nous sommes solidaires du capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes solidaires de tous les cyberactivistes, de tous les lutteurs, ceux qui sont dans la lutte pour la liberté. Maintenant, à vous aussi de soutenir, de nous renvoyer l'ascenseur pour ne pas que un des hommes riches prenne le pouvoir ici. Il faut qu'on débarrasse la Côte d'Ivoire de tous les soutiens de la France. Merci. Madame Cissé, on va peut-être refermer ou alors sortir de ce sujet pour embrasser l'autre sujet. On donne la parole à Salif Nikiema, activiste politique du côté du Burkina Faso. Peut-être on prend le dernier téléspectateur. On rappelle aux téléspectateurs que les appels vidéo sont proscrits. Il suffit juste de nous appeler via WhatsApp. Pas d'appel vidéo, s'il vous plaît. Juste des appels WhatsApp, pas de vidéo, si vous voulez donc donner votre avis sur les sujets du jour. Et donc on revient avec Salif Nikema. Alors Salif, quel mot pour la fin concernant ce soutien, cette solidarité du peuple burkinabé à l'endroit du capitaine Ibrahim Traoré? Vous avez suivi cette intervenante qui a parlé qu'il faut désormais que le peuple burkinabé aille au-delà des mobilisations, au-delà des manifestations. Il faut véritablement qu'il agisse. C'est vrai que le gouvernement a annoncé que sur les 50 000 personnes volontaires qu'on a demandé pour combattre donc les djihadistes, et 90 000 là, se sont enregistrés, donc 40 000 de plus. On comprend le soutien véritable du peuple burkinabé qui soutient et respecte et veut que l'intégrité du Burkina Faso soit respectée par les Occidentaux. Je vais répondre à certaines questions du dernier intervenant ivoirien que je n'ai pas pu retenir le nom. Ce qu'il devrait reconnaître par rapport à la jeunesse burkinabé actuelle, de sa vision à la politique de Alassane Draman Ouattara sur sa gestion de la Côte d'Ivoire, ce qu'il faut qu'il apprend. Nous, nous sommes conscients que Alassane est burkinabé, descend de son village, est chez nous. Il a été le vice-gouverneur étant burkinabé, donc il a occupé de hautes fonctions étant burkinabé. Ça veut dire que depuis les événements du 15 septembre 2015, il y a eu carrément une rupture entre les entre Alassane Ouattara et la jeunesse burkinabé, vu son implication dans ce touche manqué avec le général Dinguéré. Donc, il y a une rupture totale. Et vu la diaspora aussi est consciente de ce qui est en train de passer, parce que il faut reconnaître que le président ivoirien Alassane Ouattara est issu de la minorité, majorité de la minorité. Donc, les votes ont été boycottés. Cela suppose que et la diaspora n'est pas tellement impliquée dans la politique, dans la vie politique ivoirienne, et s'abstient beaucoup, ce qui explique aussi cette faible taux de participation dans les élections. Donc ça veut dire que du point de vue légitime, le Ado est carrément illégitime, parce que le nombre d'Ivoiriens qui devraient participer pour rendre son pouvoir légitime, le quorum n'a pas été atteint. Donc, il faut noter cela. Et je reviens par rapport à la solidarité du Burkina et la solidarité de la jeunesse burkinabé. Nous sommes tellement solidaires, vu la position actuelle. Beaucoup d'intervenants ont parlé de la position actuelle de Podassé. Je réside dans la même ville que M. Podassé. M. Podassé est mon partenaire. J'ai eu de ses nouvelles, j'ai pu aller le rendre visite. Grâce à la solidarité des panafricains, M. Podassé vit très bien, il est bien protégé, il est entre de bonnes mains, et ses autres co-détenus l'appellent Monsieur le Président. Donc il a eu ce surnom président, et donc il est heureux, il est serein, voilà, il répond à toutes ses facultés mentales, corporelles et tout. Donc Monsieur Podassé se porte totalement bien et il est solidaire avec nous. Et vraiment, ce qui lui a fait mal, c'est la sortie d'ici. Il n'a pas pu prendre part avec nous, il n'a pas pu prendre la parole. Voilà, comme M. Ouattara est éloquent, donc vraiment sa parole aussi a manqué à la jeunesse, au public qui était présent dehors. Donc je repars pour dire qu'il faudra reconnaître aussi qu'il y avait des choses qui ont été concoctées, les rapaces venus de loin avec leurs appétits voraces ont tenté de concocter quelque chose dans ces derniers temps. Suite à cela, il y a eu plusieurs arrestations, parce qu'il y a eu des gens qui ont tenté de manipuler la population aussi pour pouvoir, soit dit-il, aller brûler chez le Moro Naba, le chef de Mossi résident à Ouagadougou, et qui est vraiment un notable bien respecté du public. Donc, ils ont voulu utiliser ce faille pour inciter le public burkinabé à sortir dans la rue, pour déstabiliser à cela. Maintenant, la branche armée aussi allait essayer de faire sa part des choses. Donc, ce plan diabolique a été déjoué grâce à la ténacité et à l'exigence du service de renseignement et avec la solidarité des Burkinabés, tellement que nous sommes solidaires avec ce pouvoir. Les gens ont pu dénoncer et montrer les protagonistes. Et après, maintenant, la boîte a parlé, donc beaucoup de plusieurs personnes seront arrêtées par la suite, suite à cet acte ignoble qu'ils avaient tenté de poser. Donc, pour la décision capitale que le président a prise, il y en a plusieurs, comme la tante Linda a essayé de répondre. Beaucoup de décisions ont été prises, puisque la première décision capitale, il n'y a rien qui est plus capital que de prendre son destin en main et aller arracher le pouvoir entre les mains des valets locaux, entre les mains des personnes qui répondaient uniquement aux ordres de Alassane et de la France. Parce que il y avait réellement un grand complot qui était vraiment organisé contre le Burkina, parce que si vous voyez, Damiba avait tenté de créer une zone qu'il avait appelée une zone d'intérêt militaire, la zone qui délimitait quand même un peu ce qu'on appelle le Litago. Il avait tenté de vider cette partie de sa population. Et ça n'est suivi par la suite d'une défaite militaire qui allait entamer maintenant le processus de négociation. Donc, si Damiba n'avait pas été cherché depuis lors, il fallait se rendre compte que les puissances occidentales, notamment l'OTAN, allaient venir s'installer au Burkina Faso, et tout ce plan a été déjoué grâce à la décision capitale prise par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes tels que Oumarou Yabré et capitaine Meda et Sorgho et tout ça. Voilà, donc voici des gens qui ont pris une bonne décision, et pour dire que notre solidarité envers la jeunesse ivoirienne, elle n'est pas seulement que des verbes. Nous l'avons matérialisé, parce que la dernière fois, j'ai été en Côte d'Ivoire au début du mois le mois d'avril. J'ai été à Yopougon avec une délégation des panafricanistes pour assister le président Laurent Gbagbo à la place Fidjaïo lors de la journée de renaissance de son parti, le PPACI, et ensuite nous l'avons accompagné à 13 villes. Donc, ce qui voudrait dire que la jeunesse burkinabé ne marchande pas sa révolution. La jeunesse burkinabé, elle est tant déterminée, elle n'est pas restée isolée sur lui-même. Elle sort pour croiser d'autres jeunesses, elle sort pour expliquer comment d'autres jeunesses doivent s'organiser pour arracher le pays de mains des prédateurs français. Voilà, l'Afrique de l'Ouest, il faut que la jeunesse africaine s'émancipe. Donc, la sortie du 6. Pour apporter son soutien au capitaine Ibrahim Traoré, la jeunesse burkinabé qui soutient donc le capitaine Ibrahim Traoré. Et donc depuis jeudi et depuis quelques jours, ils descendent dans les rues de Ouagadougou pour signifier leur ras-le-bol. Abat la France, abat l'OTAN, non au complot, il y a l'impérialisme. Merci donc à vous, Salif Nikiema. Afrique Média, le monde, c'est nous.